Badilisha. Et glorifie ton nom. Na utukuzi. Seigneur, établis quelqu'un ce soir. Bwana acha uende ukamshimike mtu. Clarifie les choses dans nos cœurs et dans nos esprits. Uende ukaweke mambo ndani ya moyo. Sema Corio Sita. Glorifie Seigneur. Utukuze Bwana. Ton nom. Jina lako. Au milieu de ton peuple. Miongoni mwetu. Quelqu'un acclame le Seigneur très fort. Tunashangilia Bwana sana. A Dieu soit la gloire. Alléluia. Utukufu kwa Mungu. Amen. Amen. Disons bienvenue à Pasteur Jean-Baptiste. Tunasema karibu kwa mchungaji Jean-Baptiste. Il était à Nyangara. Anatokea Nyangara. Leta, kwa ulete salamu za Nyangara. Si ça sera Zande ou bien. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Tunaweza kumshangilia Bwana. Nous venons de l'Arche de l'Alliance Nyangara. Tunatokea kwa kanisa l'Arche de l'Alliance Nyangara. Et ils nous ont dit de vous saluer. Wametuambia tuwasalimu. C'est à 1500 km de Goma. Inakuwa kwa kilomita 1500 na hapa Goma. À quelques 90 km du Sud-Soudan. Na inakuwa kilometa makumi tisa kutokea Sudani. C'est là où il y a le milieu de l'Afrique. Ni hapo ndipo nafasi ya katikati ya Afrika inapatikana. C'est une communauté qui aime Dieu. Na ni mashirika ambayo inampenda Mungu. Nous avons 40 bien-aimés qui se réunissent régulièrement. Tuna wapendwa 40 ambao wanakusanyika kila mara. Ils aiment Dieu. Na wanampenda Mungu. Ils nous ont dit dès que vous arrivez saluer notre église mère. Na walituambia utakapofika usalimu kanisa letu mama. Et ils ont été encouragés par vos prières. Na walitiwa moyo na maombi yenu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Merci beaucoup. Asante sana. Amen. Karibu. Karibu. Amen. Hey, amen. La mission avance. Mission inaendelea. Portez mon salut aux extrémités de la terre. Mubebe wokovu yangu hadi mwisho wa dunia. Être la lumière des nations. Mukuwe nuru ya mataifa. Alléluia. Amen. Alors ce soir nous voulons aborder un deuxième chapitre. Jioni ya leo tunatafuta kuzungumzia kipengele cha pili. De notre thème. Ndani ya mada yetu. Les piliers de l'établissement. Misingi za kushimikwa. Nous avons parlé hier. Tumezungumza jana. Sur les mystères qui sont derrière la puissance. Juu ya siri zilizo nyuma ya uwezo ya mtu ambaye ameshimikwa. C'est-à-dire lorsque nous observons la puissance de Dieu se manifester dans la vie d'une personne. Ni kusema tunapoona uwezo wa Mungu ukionekana ndani ya maisha ya mtu. Nous ne savons pas toujours c'est quoi qui se passe. Mada hatujui ni nini inayopitikana. Et nous avons vu trois choses. Na tuliona mambo tatu. Qui constituent ce mystère là. Ambao inakuwa inaunda hiyo siri. Ou trois mystères qui font que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne. Et nous avons partagé sur le premier mystère qui était le choix divin. Je rappelle que le mystère est compris comme quelque chose de difficile à appréhender par l'intelligence humaine. Vous ne saurez jamais complètement saisir un mystère. Vous pouvez avoir des informations, vous pouvez avoir des données. Mais quand c'est un mystère, même le peu que vous connaîtrez sera insuffisant pour véritablement comprendre la réalité de la chose. Nous avons vu le deuxième mystère qui était le but de Dieu, le but divin. Quand Dieu choisit une personne, il a préalablement décidé du but pour lequel il te choisit. Parce que le but précède le choix. Sababu lengo inakuja mbele ya uchaguzi. Dieu a un but à poursuivre. Ni wakati Mungu ana lengo la kufuatilia. Des personnes à choisir pour réaliser ses buts. Et nous avons vu la troisième, le troisième mystère, l'alliance de celui qui établit avec celui qui est établi. Alliance qui constitue un lien, un pacte au travers duquel celui qui est faible, que nous sommes, les êtres humains, nous dépendons, nous bénéficions de celui qui est fort. Et celui qui est fort fournit tout ce qu'il faut dans notre établissement afin que les buts pour lesquels nous sommes chargés puissent s'accomplir efficacement, mais aussi avec des choses surnaturelles. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de miracles qui se passent quelquefois dans vos vies mara nyingi ndani ya maisha yenu, et vous ne vous rendez pas compte. Na hamtaelewa. Lorsque vous appartenez à une famille comme celle-ci, wakati unakuwa ndani ya jamaa kama hii, laissez-moi vous expliquer ça beaucoup plus explicitement. Acha niweze kuwafasiria nayo vizuri. Donnez-moi toute votre attention. Munipatie angalisho yenu. Lorsque vous visitez certaines églises, wakati unatembelea makanisa fulani fulani, ou que vous regardez à la télévision dans des chaînes, ama ukiangalia kwenye runinga na mitandao mbalimbali, vous pouvez observer des miracles, des guérisons qui se produisent tous les jours. Unaweza kutazama miujiza na uponyaji ambao unaonekana kila siku. C'est-à-dire les gens sont malades. Ni kusema watu ni wagonjwa. Ils viennent au prix pour eux. Wanakuja wanawaombea. Ils guérissent. Wanapona. Ils viennent témoigner, je suis guéri. Wanakuja shuhudia kwamba nimepona. Et on acclame le Seigneur. Na wanamshangilia Bwana. On célèbre Dieu. Wanamshangilia Mungu. Très bien. Vizuri sana. Ce sont des miracles qui se produisent. Inakuwa ni miujiza ambayo inakuwa ikitendeka. Et des miracles aussi dans d'autres domaines. Na miujiza ndani ya uwanja zingine. Mais j'aimerais vous ouvrir une fenêtre. Lakini ningependa niwafungulie dirisha. Ou une porte. Ama mlango. Ce qu'il arrive, ya kwamba inafika mara, que lorsque les intercesseurs de Sion, wakati waombaji wa Sayuni, dans une famille, ndani ya jamaa, ont prié, wameomba, bon, je dis ça autrement, ninaisema kwa namna ingine, il arrive, inafika mara, que lorsque dans une famille spirituelle, wakati ndani ya jamaa kiroho, Dieu a décidé, Mungu ameamua, de déposer un miracle permanent. Un miracle permanent. Il installe un miracle permanent. Des guérisons. Ce que vous allez constater, c'est ceci. C'est que lorsque vous venez dans cette famille spirituelle, vous ne tombez plus malade. Hautagonjwa tena. Et on peut passer 6 mois, il n'y a pas eu de témoignage de guérison. Na unaweza kupitisha miezi sita hakuna ushuhuda juu ya uponyaji. Et on peut dire Dieu ne fait pas, n'agit pas dans cette église. Na unaweza kusema Mungu hatende ndani ya kanisa hili. On n'entend même pas quelqu'un témoigner qu'il est guéri. Hatusikii hata mtu anashuhudia kwamba amepona. En fait, dans cette église, ndani ya kanisa hili, le miracle de la guérison, muujiza ya uponyaji, ça se produit lorsque tu entres dans cette famille-là. Ina kutokea wakati tu unaingia ndani ya ile jamaa. Dès que tu entres dedans, unapotuingia ndani, Dieu nettoie ton corps. Mungu anasafisha mwili wako. Tu n'es plus tombé malade. Na hautagonjwa tena. Et s'il y avait une maladie en ton corps, na kama kulikuwa ugonjwa ndani ya mwili wako, elle commence à disparaître. Unaanza kutoweka. Calmement. Pole pole. Jusqu'à ce qu'elle ne sera plus là. Mpaka wakati haitakuwa tena. Et on peut dire dans notre église, vraiment, Dieu n'agit pas. Dites-moi maintenant, quel est le plus grand miracle? Vous voulez quel miracle? Tomber malade chaque jour et venir guérir? Vous voulez lequel? Alléluia! Amen! Maintenant, écoutez-moi. Les intercesseurs de Sion, ce sont des personnes qui s'occupent de ce genre de dossiers. Qui disent Dieu, dans notre église, nous voulons que la guérison soit là. Dieu, dans notre église, je veux payer le prix. Je vais jeûner. Je vais prier. Je vais lutter pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Il n'y aura pas quelqu'un qui vient témoigner vraiment, j'ai loué le Seigneur, j'étais pauvre, j'ai manqué à manger. Et puis, ces gens de témoignage ne seront plus là. Parce qu'il y a un intercesseur de Sion qui a pris ce dossier-là. Sababu kuna mwombaji wa Sayuni ambao ameshughulikia ile kesi. Il a pris ce dossier. Amechukua ile kesi. Demande au voisin, tu prends quel dossier? Uliza jirani yako, wewe unachukua kesi gani? Tu prends lequel? Wewe unachukua kesi gani? Merci pour les miracles. Asante kwa ajili ya miujiza. Merci pour la puissance. Asante kwa ajili ya uwezo. Mais la puissance a divers dimensions. Lakini uwezo kwa ngazi fulani fulani za juu. Elle peut s'opérer au niveau élémentaire. Inaweza kuwa hapa kwa msingi. C'est là qu'elle est agitante. Ni hapo ndipo inaonekana kwa mstuko mstuko. Mais quand le miracle monte au niveau supérieur, il vient sans vous informer. Inakuja bila kukupatia habari. Depuis que tu es entré dans cette église, mpaka tangu ya wakati umeingia kanisani, les cauchemars ont disparu. Ndoto mbaya zimetoweka. Les sorciers qui visitaient ta maison ne sont plus. Wachawi ambao walikuwa wanakutembelea kila usiku nyumbani kwako hawako tena. Les crises permanentes ont cessé. Ukosefu wa kila mara umepotea. Les troubles se sont arrêtés. Na mashaka imepotea. Les confusions que tu avais dans ta vie. Mchanganiko uliokuwa nao mashaka ont cessé. Imeisha. Qui a prié pour toi? Nani aliyekuombea? Personne. Hakuna. Mais c'est arrivé comment? Lakini imefika namna gani? Je suis entré dans l'arène. Nimeingia ndani ya uwanja du miracle ya miujiza. Levez-vous un instant, nous allons demander ça à Dieu. Msimame kwa dakika kidogo tumombe Mungu hii. Avec courage, mnakuwa na simama na uvivu. Pamoja na bidii. Si msimame na courage. Il faut vous lever avec courage. Alléluia. Amen. Je vous comprends, c'est le poids du fardeau que vous avez de la requête. Quelquefois, si on ne fait pas attention, ta requête va t'écraser. Levez-vous. Mais viens dans cette arène ici, nous voulons demander ça. Seigneur, libère la puissance de ta présence. La puissance est à présent. Quand quelqu'un rentre ici, qu'il soit comme quelqu'un qui vient d'entrer au trône de Dieu, à l'intérieur. Tu entres ici, tu viens d'entrer à l'intérieur de Dieu. C'est comme si Dieu t'ouvre son manteau. Il dit, entre ici, entre dedans. Na unaishi humu ndani. Amen. Levons nos mains. Demandons ça à Dieu. Akayo Shenterebu Zagaya. Seigneur, nous invitons ta présence. Nous invitons ta présence. Nous voulons vivre ta présence. Ela komo kirikakuti ala konsa. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui t'empêche, que tout ce qui est obstacle à ta présence tombe. Au nom de Jésus-Christ. Que ce lieu soit un lieu de ta présence. Que quelqu'un entre ici, qu'il te rencontre. Quiconque pénètre cette famille, quiconque entre dans cette maison, qu'il vive les œuvres insondables, qu'il vive le miracle, que le doigt de l'Éternel circule, que la puissance de Dieu se répande. Dieu vivant est vrai, le Dieu qui m'a appelé et qui a prévu ta puissance et ta provision, qui m'a établi, me voici Seigneur. Oh Dieu, devant ton peuple, accorde à cette famille le miracle permanent. Oh Dieu, viens dans cette famille. Seigneur, établis-toi dans cette famille. Siège dans cette famille. Habite dans cette famille. Prends place dans cette famille. Que le miracle soit normal. Car la puissance de Dieu sur les hommes et les femmes que tu as établi va distiller constamment les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons, les transformations, les libérations au nom de Jésus de Nazareth. Les exaucements par des interventions redoutables avec justice libèrent le Seigneur dans cette famille. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur et qu'il en soit ainsi à partir de maintenant. Je disais le deuxième chapitre. Le premier chapitre, c'était la puissance derrière l'établissement. Le deuxième chapitre, c'est le pilier. C'est-à-dire quoi? Les facteurs qui soutiennent la personne qui est établie. Lorsque Dieu t'établit, wakati Mungu anakushimika, il y a des facteurs, kuna vitu, qui vont venir en appui ambao vitakuja kusaidia à ton établissement kwa chili ya kushimika kwako, pour que elles deviennent, je veux dire, le fruit de ton établissement devienne effectif. Ili matunda ya kushimikwa kwako yawe ya kweli. Je vous ai dit avant-hier, niliwaambia certaines personnes sont établies, watu wengi wameshimikwa, mais le but de leur établissement ne se fait pas voir. Lakini lengo la kushimika kwao halionekane. Certaines personnes ont été établies. Watu wamoja wameshimikwa. Mais c'est sans fruit. Lakini bila matunda. Il y a rien. Hakuna kitu. Pour que les fruits de ton établissement viennent à surface, il y a besoin de piliers qui te soutiennent, des piliers qui viennent t'aider, des facteurs mambo que tu dois considérer kukamata pour réussir l'accomplissement du but de Dieu dans ton établissement. Ili uweze kushimikwa kwa Mungu. Amen. Amen. Le premier pilier, nguzo la kwanza, c'est la connaissance du Dieu qui t'a établi. Ni kumjua Mungu aliyekushimika. On pourrait aussi dire la connaissance de celui qui t'a établi. Unaweza kusema pia kumjua ule ambaye amekushimika. Pour nous, enfants de Dieu, nous voulons parler du Dieu qui nous a établi. Na sisi watoto wa Mungu tutasema Mungu ambaye ametushimika. Écoutez-moi bien. Munisikilize vizuri. La puissance d'un sorcier, uwezo wa mchawi, réside, inakaa, dans la connaissance ndani ya kumjua du diable qui travaille avec lui. Ya ule shetani anayetumika pamoja naye. Du diable qui l'a établi. Ya ule shetani aliyemshimika. C'est vrai? Ni kweli. Lorsque tu es dans l'occultisme, wakati uko ndani ya uchawi, ta puissance uwezo wako est fonction de ta connaissance inalingana na ujuzi wako du Dieu que tu sers, ya Mungu ambao namtumikia, c'est-à-dire le diable, ni kusema shetani. Je vous ai dit la fois passée, niliwaambia wakati uliopita, l'effort effréné du diable, nguvu ya shetani, c'est de nous empêcher de connaître Dieu. Anakuwa kijikaza ili atuzuize kumjua Mungu. C'est de nous voiler les yeux pour que nous ne voyions pas Dieu. Ni ili atufunike macho tusiweze kumuona Mungu. Quelqu'un va prier ce soir et dit, Seigneur, j'arrache ces bandages. Kuna mtu ambaye ataomba jioni ya leo anasema Mungu ondoa. Tu dois arracher les bandages. Ondoa hiki kitu kinachonifunika macho yangu. Afin que je voie. Ili niweze kuona. Il est écrit par ta lumière nous voyons la lumière. Imeandikwa kupitia nuru yako. Seigneur, que ta lumière brûle les bandages. Bwana, nuru yako yende kaunguse vile vitu que je commence à te voir. Na nianze kukuona. Pour que je te connaisse. Ili nikujue. Et plus je te connais. Na zaidi ninakujua. Plus mon établissement prend force. Zaidi kushimika kwangu kutakuwa na nguvu. Bwana asifiwe. Amen. L'église de Jésus aujourd'hui, kanisa la Yesu Kristo leo, souffre d'un problème. Inateseka na shida moja. Celui d'avoir fait beaucoup d'efforts pour connaître le diable. Shida ambayo watu wamejikaza sana kumjua shetani. Et plus nous connaissons le diable, na zaidi tunamjua shetani, plus nous avons la foi au diable. Zaidi tunakuwa na imani kwa shetani. Je parle à quelqu'un? Je namzungumzia mtu? La foi vient de ce qu'on attend. Imani inakuja kupitia tunayosikia. Ce qu'on attend vient de la parole de. Na tunayosikia natokea ndani ya neno la Mungu. La foi au diable vient de ce qu'on attend aussi. Na imani kwa shetani inalingana na hilo ambao unasikia. Le diable sera tellement puissant dans ton entendement. Shetani atakuwa na uwezo mwingi sana ndani ya kuelewa kwako. À la mesure où tu t'apesantis, tu prends tout autant pour évaluer les dégâts du diable. Tu navigues dans les réseaux, dans l'orbite du diable pour admirer ses exploits. Kwa wakati ambao utakuwa uko naona uwezo wa shetani mambo yake yote ambayo ameifanya. Ta foi monte. Na imani yako inapanda. Ta foi au diable. Imani yako mbele ya shetani. Je vais vous poser une question. Nitawauliza swali. Avez-vous remarqué? Je mumegundua. Que dans la plupart de vos prières, ya kwamba ndani ya maombi yenu nyingi, vous ne terminez jamais une prière sans mentionner Satan. Hamalize maombi bila kusema shetani. Muniambi. Dites-moi. Ça vous est déjà arrivé? Imeshawafikia. Aucune prière ne va se terminer sans dire Satan, Satan. Hakuna maombi ambayo itaisha bila kusema shetani, shetani. Est-ce que c'est possible de terminer une prière sans avoir affaire à Satan? Umalize maombi bila kuhangaika na shetani. Mungu Baba. C'est des choses difficiles, hein? Ni mambo magumu. Cela provient du simple facteur. Hii inatokea ndani ya jambo. Que le diable a réussi à se tailler un grand espace. Ambayo shetani ameweza kujifanyia nafasi. Dans le domaine de notre foi. Ndani ya hii uwanja wa imani yetu. Et si tu as 100% de foi. Na kama umefanya hii mara nyingi. De dose de potentiel de foi. Unakuwa na imani nyingi. Il y a probablement 60% de foi à Dieu. Kunakuwa asilimia makumi sita ya imani ndani ya Mungu. Et 40% de foi à Satan. Na asilimia makumi ine ya imani ndani ya shetani. Et avec ça le diable se retrouve. Na pamoja na hii shetani anakuwa kitumika vizuri. Écoutez. Munisikilize. Le diable n'est pas fâché s'il vient dans une rencontre de Dieu. Shetani asirike wakati kama anakuja ndani ya mkutano ya watu ambao wanamsherekea Mungu. Mkutano ya Mungu. Mkutano ya Mungu. Et que dans le mkutano ya Mungu. Et dans cette assemblée de Dieu. On va quand même parler aussi de lui. Naye watamzungumzia. Donc. Même si quand on va parler de lui, il s'agira de le chasser, il va sortir à courant. Hata kama watakuwa wakimzungumzia wanakuwa wakimfukuza ile kimbia. Omwe on a quand même parlé de moi. Atasema bati ya kwangu sababu wamenizungumzia. Hey, acha tukimbie mama mkuu tukimbie. Fuyon. Na wanakimbia. Na wana hey, il fuit. Mais on a gagné. Lakini on a parlé de nous. Wamesema juu ya jina yetu. Notre publicité a marché. Na tangazo letu limeendelea. Où? Wapi? Dans la réunion de Dieu. Ndani ya mkutano wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Nous mettons beaucoup de temps. Mara nyingi tunakuwa na muda mwingi. À écouter les affaires de Satan. Kwa kusikiliza mambo ya shetani. Et nous mettons moins de temps. Na tunakuwa na muda mdogo. À écouter les choses de Dieu. Kwa kusikiliza mambo ya Mungu. Demande au voisin ce que le pasteur dit vrai. Uliza jirani yako, je mchungaji anasema kweli? Afai dit vrai pour toi? Je anasema kweli juu yako? Le premier pilier. Nguzo ya kwanza. Pour soutenir ton établissement. Ili usapoti kushimika kwako. C'est la connaissance de Dieu. Ni kumjua Mungu. Connaître Dieu. Kumjua Mungu. Lisons un texte, Daniel chapitre 1 verset 32. Tusome andiko moja, Daniel 11 makumi tatu na mbili. Il est écrit. Imeandikwa. Et ceux du peuple, alors, lisons ça ensemble. Je vais pas. Tunaweza kuisoma pamoja. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple. Vous êtes là? Muko hapo. Lisons, lisons. Tunaweza kusoma. 1 2 3. Tunaweza kusoma 1 2 3. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ambao watakuwa wanamjua Mungu. Agiront avec fermeté. D'autres versions disent agiront avec vaillance. Ndani ya maandishi mengine wanasema watatenda kwa ushujaa. Qui veut être vaillant? Nani ambaye anapenda kuwa ushujaa? Dans la maison de Dieu. Ndani ya nyumba ya Mungu. Qui est du peuple de Dieu ce soir? Nani ambaye ni miongoni mwa watu wa Mungu jioni ya leo? Ceux du peuple de Dieu. Wale watu qui connaîtront Dieu. Watakao mtu wa Mungu. Agiront avec vaillance. Watatenda kwa nguvu. Agiront avec fermeté. Watatenda kwa ushujaa. Quel est le contraire de fermeté de vaillance? Kinyume cha nguvu ama ushujaa ni nini? Agiront avec incertitude. Watatumika na mashaka. C'est ce qui arrive aux fils de Sceva. Na hii ndio inayofikia watoto wa Sceva. Au nom de Jésus que Paul prêche. Kwa jina la Yesu ambaye Paulo anahubiri. Au nom de Jésus que Paul prêche. Kwa jina la Yesu ambaye Paulo anahubiri. Sors de cet homme. Toka ndani ya huyu mtu. Au nom de Jésus que Paul prêche. Kwa jina la Yesu ambaye Paulo anahubiri. Au nom de Jésus que Paul prêche. Kwa jina la Yesu ambaye Paulo anahubiri. Où est la vaillance? Ushujaa iko wapi? Les soldats du roi viennent voir Élie pour l'arrêter. Majeshi ya mfalme wanakuja kuona Elia ili wamfunge. Et ils disent. Na wanasema. Le roi nous envoie. Mfalme anatutuma. Homme de Dieu, descend. Mtu wa Mungu shuka. Et l'homme de Dieu dit. Na mtu wa Mungu anasema. Si je suis homme de Dieu. Kama mimi ni mtu wa Mungu. Que le feu de Dieu descend. Moto wa Mungu shuke. Et vous consume. Na iwaunguze. Et le feu descend. Na moto ukashuka. Et le feu les consume. Na moto kawaunguza. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Elie. Elia. Comment tu sais? Namna gani unajua? Que si tu appelles le feu, ya kwamba ukiita moto, le feu va descendre. Moto itashuka. Je connais Dieu. Najua Mungu. Je connais Dieu. Ninamjua Mungu. Paul dit à Elima. Paulo anamwambia Elima. Maudit soit ta folie, bon, je le paraphrase. Et tu seras aveugle. Anasema upumbavu wako ulainiwa utakuwa kipofu tangia sasa. Il est aveugle. Na hapo hapo akakuwa kipofu. Comment comment ça marche avec toi? Premièrement, il y a le mystère de la puissance de son établissement. Mais deuxièmement, il y a le pilier de la connaissance. Paul, tu connais Dieu. Paulo na mtu wa Mungu. Paul, tu connais tes prérogatives. Paulo najua haki zako. Paul, tu sais comment Paulo Dieu fonctionne. Namna gani Mungu anatumika. Alors tu peux infliger une punition. Na sasa unaweza kutoa hukumu. Il a dit Paul. Paulo anasema que nous renversons les raisonnements. Ya kwamba tunapindua et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Na kila mamlaka et dit nous sommes même prêts à punir toute désobéissance. Anasema tuko tayari kuhukumu. Nous sommes prêts à punir tuko tayari kuhukumu toute désobéissance. Kila uasi. Et lorsque Elima essaie de déranger les choses de Dieu, na wakati Elima anatafuta kuchokoza mambo ya Mungu, punit Paul anahukumu Elima. Et la punition marche. Na hukumu ile inatendeka. Sasa usishangae. Maintenant ne t'étonne pas. Parce qu'en comprenant ces choses, wakati unaposikia mambo haya, les archois et archoises wana membo wa kanisa vont commencer à opérer dans d'autres dimensions. Wataanza kutumika ndani ya viwango vingine. Ne t'étonne pas. Mais aussi, je te donne un conseil. Pia nakupatia shauri. Uzichunge. Sois vigilant. Parce que archois moya ukimukanyanga na alisha jua hivi vitu. Parce que si tu piétines na kuita, et ya koni ce chose, jugement il peut appeler les jugements de Dieu et ça te frappe. Kila mtu ajichunge. Que chacun soit vigilant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux du peuple qui connaîtront ce Dieu watakao mjua Mungu agiront avec fermeté. Watatenda kwa nguvu. Mais cette fermeté, vous êtes connaissance de Dieu, est une connaissance totale de Dieu. Beaucoup de gens ont été établis sans connaître Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 9 et 10, Samuel wa kwanza, sura 9, vous voyez l'histoire de l'établissement du roi Saül, le premier roi d'Israël. Saül vient, ce jeune homme vient de passer par de grandes expériences avec Samuel. Kijana Saul a à la montagne, au haut lieu, et puis le fiol d'huile, et puis Mulimani, il a prophétisé. La mafuta, kisha ka et Samuel atadiri vient et dit, bon, que nous allons à la montagne. Na kisha Samuel anakuja, kuja, twende kwenye il appelle le peuple, dit, on va vous donner le roi que vous demandiez. Na anaita taifa nzima, anasema tutawapatia mfalme ambaye mnamhitaji. On commence à appeler la tribu, et puis on arrive à la famille, on demande, ok, wanaza qui est le roi? Kabila na wanaita sasa Samuel jama se raconte que le roi n'est pas là. Kisha Samuel anagundua ya kwamba mfalme haiko. Je crois, chapitre 10, verset 14, je crois, regardez là. Nikiwaza ni sura kumi mustari wa kumi na ine. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ambao umepitikana? Samuel est parti se cacher. Saulo ameenda kujificha. Dans les bagages. Ndani ya mizigo. Le roi. Mfalme. Il a eu l'onction. Amepata upako. Il a prophétisé avec les prophètes. Ametabiri hata na manabii. Mais le déclic de la connaissance de Dieu lakini n'est pas encore opéré en lui. Hakita tenda ndani mwake. Il tremble. Angali na tetemeka. Moi devenir roi? Mimi ni kuwa mfalme. Il est parti se cacher. Akaenda kujificha. Vous savez? Mnajua. Ce qu'ils ont fait? Walioifanya. Ils ont fait la prière. Walifanya maombi pour le retrouver. Ili wamupate. La Bible dit et Samuel invoqua l'Éternel. Na Biblia inasema Samuel akamwomba Bwana wa milele. Sasa mfalme iko wapi? Il dit où est maintenant le roi? Et Dieu lui dit. Na Mungu akamwambia. Il est caché derrière les bagages. Anajificha nyuma ya mizigo. Sasa wewe uko roho unaenda fichama. Tu es un roi mais tu pars te cacher. Je vais m'adresser à quelqu'un qui est établi. Nitamwambia mtu ambaye ameshimikwa. Usumeshimikwa. Mais si tu ne connais pas celui qui t'a établi. Lakini kama ujue Mungu ambaye amekushimika. Chaque fois qu'il y aura un défi. Mara kutakapokuwa. Tu vas aller te cacher. Tatizo taenda kujificha. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, nous nous cachons devant les défis. Nous sommes pourtant établis. Mais quand un défi arrive, on se cache derrière les bagages. Vous voulez que les hommes de Dieu prient pour qu'on vous retrouve. Ce soir, quelqu'un doit demander à Dieu d'ouvrir son esprit. D'enlever ce sont des scotch ou quoi, sur nos yeux spirituels. Aondoe ile vitambaa kwenye macho yetu ya kiroho. Dans Luc chapitre 24, verset 45. Ndani ya Luka, après la résurrection, Jésus rencontre les apôtres. Kisha kufufuka Yesu anakuta mtu. Et la Bible dit, na Biblia nasema, il leur ouvrit les yeux akawafungua macho, afin qu'ils comprennent les Écritures. Ili waelewe maandiko. Il y avait un voile sur les yeux. Kulikuwa kitambaa kwenye macho yao. Mais est-ce que c'est normal? Ça fait 3 ans et demi que vous êtes au pied de Jésus, il vous enseigne. Vous n'avez toujours pas compris les Écritures. Écoutez, ça peut arriver. C'est pourquoi prière longue et profonde. Ce soir, tu dois arriver à déboulonner toutes ces ténèbres qui sont dans ton esprit. Afin que tu commences à connaître Dieu, à comprendre Dieu. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que ton esprit s'ouvre. Pour que tu apprennes à connaître Dieu. Et que la connaissance de Dieu te soutienne dans ton établissement. Je parle à quelqu'un. Samuel est établi roi. Ok. Sawa. Et il avance. Na naendelea. Dans un premier temps, kwa wakati wa kwanza, il est respectueux. Ni mtu ambaye anaheshimu. Il est humble. Ni mnyenyekevu. Mais il ne connaît pas bien Dieu. Lakini hamjui vizuri Mungu. Et l'orgueil le rattrape. Na kisha kiburi inamkamata. Akaanza kujituma. Il a commencé à faire ce qu'on lui a pas permis. Ce qui a écroulé Saül. Il y a mwangusha Saul. Dans sa royauté. Daniel falme wake. Ce qui n'a pas connu Dieu. Ni sababu hakumjua Mungu. Correctement. Vizuri. Connaître Dieu. Kumjua Mungu. C'est le connaître dans plusieurs facettes. Ni kumjua ndani ya viwango vingi. Nous pouvons le connaître dans sa puissance. Mais nous le connaissons aussi dans sa sainteté. Na tunamjua pia ndani ya utakatifu wake. Et dans son règne. Na ndani ya utawala wake. Nous savons comment il fonctionne. Tunajua namna gani anatumika. Quelqu'un va prier Dieu et dire Seigneur. Kuna mtu ambaye ataomba Mungu na anamwambia. Travaille mon cœur. Wende ukatumiko tengeneze moyo wangu. Afin que j'apprenne à connaître Dieu correctement. Ili nijifunze kumjua Mungu vizuri. Dieu lui dit va livrer Amalek à l'interdit. Mungu anamwambia uende kangamize wa maleki wote. Il va là-bas. Anenda huko. Avec son armée. Pamoja na jeshi lake. Et puis. Na kisha. Ils sont en train de livrer à l'interdit. Wako wanaangamiza. Mais constate qu'il y a des bœufs gras, il y a des agneaux, il y a des richesses. Il dit ah. Lakini anachunguza kwamba kuna ngombe nono, kuna utajiri, kuna kondoo. On va pas tout gâcher comme ça. Anasema huu Mungu na anona tunaweza kupoteza imani. Et puis il se donne un argument dans son cœur. Kisha anajipatia sababu ndani ya moyo wake. Pour que ça se justifie. Ili hii mambo kabisa ikuwe na kisababu. On donne un argument. Nitapana sababu moja. Nous prenons. On épargne ça. Tunaikamata, tunaiweka. Si on nous demande, wakituuliza, nous dirons tutasema, que nous allons offrir ça à Dieu. Ya kwamba tutaimtolea Mungu. Vous allez offrir à Dieu les choses qu'il vous a dit d'aller terminer. Mutamtolea Mungu vile vitu ambavyo aliwaambia mwende mkangamize. Va-t-il les accepter? Jata vikubali. Voyez combien de fois les chrétiens parfois nous sombrons dans certaines erreurs. Unaona sababu gani sisi wa Kristo mara tunaanguka ndani ya makosa fulani fulani? Le demi obéissance. Ile kutii kwa kinusu. Ça c'est vrai. Le demi obéissance. Kutii kwa kinusu. le jonglage avec Dieu. Kuchenga Mungu. Kumuchonga. Kumuchenga. Achenga. Vous connaissiez ce vocabulaire? Kuchenga. Ah, c'est la première fois que j'attends ça. C'est-à-dire, nous avons l'impression que Dieu, Mungu ko mista. Nous croyons que Dieu est notre ami. Et donc, yo posa mututé. Sina oko mutu. Un peu comme le témoignage de maman Nicole. Ni kama vile ushuhuda ya maman Nicole. Sini dime tu ya Mungu. Izi c'est dime la dîme de Dieu. Izi dime tunatiaka mkitunga. Kuna mwata yuaka keni panaka ta dime. Acha hii c'est dime. C'est dime que nous donnons dans le panier. Comme ça nipeleke batumish. Ne saura que. Ba yue ke nimeleta dime. Il faut que je prépare et que je parle chez les serviteurs de Dieu. Ils sauront vraiment que j'ai donné la dîme. Uko na chenga Mungu. Ti jongle. Una chenga Mungu. Obéis à la parole simplement. Dis tout quoi, neno. On jongle pas avec Dieu. Hawachengi Mungu. Psaume 18, 26. À celui qui est pervers, Dieu se montre avisé. Il est avisé. Tu ne sauras jamais jongler avec Dieu. Il va te lire d'avance. Tu peux tromper tout le monde. Tu ne sauras pas le tromper lui. Ses yeux traversent les murs. Il est écrit, même si je me cache sous la mer, tes yeux me verront. Si je monte dans les montagnes, c'est comme si je vais même approcher là où tu es. Si je vais sous les lits, tu vas me voir. Et vous qui allez dans l'impudicité, qui vous a dit que Dieu ne vous voit pas? $100. Et même si on t'a donné $100, kuhonga. Kama ba mekuhonga $100. Kisha unasema okay, bon Mungu ndatoa la isa alona ipana mosadaka ya sacrifice. Tu vas dire Seigneur, je prends ceci parce que je vais donner ça comme offrande de sacrifice. Mungu comprendre si il est l'aria, il est zambi, si nilikupatia kai. Que tu peux comprendre? Tu jongles avec Dieu. L'argent que j'ai tiré dans ces péchés là, je t'ai donné comme sacrifice. Uko na cheza na Mungu. Unakuja unaweka ndani ya sadaka ya zambi unatia. L'offrande du péché tu mets dans les paniers d'offrande. Dieu comprend seulement non. Mungu suelewe tu. Comprends, mais tu as besoin d'argent, on a besoin de l'argent. On va élargir la parcelle de l'église. On va construire l'école. Tu n'en pèse kiwanja cha kanisa tutajenga na masomo. Seigneur, tu fais nombre, chukua. Bwana yote naweza kusaidia, prends ceci. Est-ce que tu connais Dieu? Je unamjua Mungu. On fait ça avec Dieu. Je wanafanya hii pamoja na Mungu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Biblia inasema Mungu hasiakiwi. Et après avoir mis ton offrande de jonglage, tu te confortes comme quelqu'un qui a maintenant droit de présenter tes requêtes. Unakuwa sasa kama mtu ambaye iko na haki ya kuonyesha Mungu mahitaji yake. Unaanza maombi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na unapika kibambazi. Et tu peux même taper sur le mur. Na unaaplique ile tulisema prière long et profond. Et tu appliques même la prière long et profond. Katika jina la Yesu, Mungu Baba. Et tu es là, tu te soumets au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu connais Dieu? Je unamjua Mungu. On s'amuse avec lui comme ça. Je wanacheza na Mungu hivi. Et à la fin, na kwa mwisho sasa. Pasteur, les conseils que vous nous enseignez là, moi je les pratique. Mchungaji si ile shauri mnatupa. Mais Dieu ne m'exauce pas. Naifanya, lakini Mungu anijibu. Que tu as pratiqué? Ulifanya nini? J'ai fait la prière longue et profonde. Nilifanya maombi marefu na ya kinaganaga. D'ailleurs, j'ai fait 40 jours. Kwanza nimefunga siku 14. C'était long et profond. Ilikuwa maombi marefu na ya kinaganaga. Mais Dieu m'a pas exaucé. Lakini Mungu hakunijibu. Est-ce que tu connais Dieu? Je wewe unamjua Mungu? On joue avec Dieu? Je wanacheza na Mungu? Et à la fin, kisha kumwisho, le coupable c'est le pasteur. Atakaye hukumiwa sasa ni mchungaji. Si pasteur ni mulete hata ile sadaka. Je lui amené même cette offrande là. Akaiombea. Et c'est lui même qui a prié. Pauvre pasteur, il ne savait pas d'où vient cette sadaka. Mchungaji wa watu akujua sadaka yako inatokea wapi. Inatoka wapi sadaka hizi mnaletaka hizi? Vous amenez vos offrandes là. Naleta sa sadaka hizi. Sasa si baba mchungaji tufanyaye. Et nous les pasteurs nous allons faire quoi? La solution pour les pasteurs, c'est tout est sanctifié par la prière et par la parole. Et regarde, sadaka ukishatia, quand tu as des amis l'offrande, les pasteurs prient pour ça. Il est sadaka metakasika. Cette offrande là est sanctifiée. Si owewe metakasika. Et ce n'est pas toi qui as été sanctifié. Tu restes avec ton péché. Unabaki na zambi yako. Mais l'offrande n'a pas de problème. Lakini sadaka haina shida. Mais je ne sais pas, Dieu va mettre ça dans le compte de qui? Maintenant, sasa sijui Mungu ataiweka ndani ya hesabu ya nani? Beaucoup de gens vont arriver au ciel. Watu wengi watafika mbinguni. Et vont trouver leur compte vide. Na watakuta peut-être tu diras que Dieu t'a pillé, Dieu t'a roulé, Dieu t'a détourné. En fait, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Vous pensez que Dieu a vraiment besoin de votre $100? La Bible dit, si j'avais faim, je ne vous dirais pas. Je prendrai seulement un éléphant dans le parc de Virunga. Je mange, Virunga. Je termine. Si je vais manger 10 éléphants, ce sont mes propres éléphants. C'est moi-même qui les a fabriqués. Et s'il n'y a plus d'éléphants dans le parc de Virunga, je peux encore créer d'autres éléphants et je les mange. Donc Dieu n'a pas besoin de ton argent. Et tu n'iras pas là pour réclamer ça devant Dieu. Tu vas réclamer. La Bible dit que certaines de nos offrandes sont des machukizo. La Bible est en train de dire que certaines de nos offrandes sont des abominations. Machukizo. Ce sont des abominations. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas des offrandes. On parle de Dieu. C'est juste revenons. Alléluia. Amen. On revient un peu. Tunarudi nyuma kidogo. Nous parlons du premier pilier. Tunazungumzia nguzo la kwanza. Connaître le Dieu qui t'établit. Kumjua Mungu anayekushimika. Et j'étais en train de dire. Na nilikuwa nikisema. Que le Dieu ya kwamba Mungu qui t'établit. Ambaye anakushimika. A souvent voulu qu'on les connaisse mara na itaji wa mjue, afin que l'on soit appuyé dans notre foi. Ili tuweze kuwa na nguvu ndani ya imani yetu. Regarde ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Sikia ile ambayo Yesu anamwambia mwanamke Samaria. Dans Luc 4:10. Il est écrit. Imeandikwa hivi. Jésus répondit. Luka 4:10. Yesu akajibu. À la femme samaritaine. Akamjibu kwa ule mwanamke msamaria. Si tu connaissais le don de Dieu. Ungejua zawadi ya Mungu. Et qui est celui qui te dit? Na nani ambaye anakuambia? Regardez. Utazama. Si tu savais ungejua, qui est celui qui te parle. Nani ule ambaye uko na kuzungumzisha hapo? Il dit, qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Nani ule ambaye anakuambia nipe maji ninywe? Il dit, tu aurais toi-même demandé à boire. Anasema wewe mwenyewe ungeomba maji ya kunywa. Et il t'aurait donné de l'eau de la vie. Na angekupatia maji ya uzima. Qu'est-ce que tu veux insinuer, Seigneur? Nini ambaye unapenda uonyeshe Bwana? Le Seigneur insinue que la Samaritaine ne comprend pas. Ya kwamba mwanamke msamaria haelewi. Parce qu'elle ne connaît pas. Sababu hajui. Quand Dieu nous établit, wakati Mungu anatushimika, il désire que nous le connaissions. Anahitaji tumjue. Pour que nous puissions bien intervenir et interagir avec. Ili tuweze kutumika vizuri pamoja. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Dans Genèse 26:24. Ndani ya kitabu cha Mwanzo 26:24. Dieu, Isaac vient d'être malmené. Isaka amemaliza kuteswa. Par Amalek. Pamoja na Amaleki. Je veux dire Abimelech. Pamoja na Abimeleki. Il a creusé un puits. les enfants d'Abimelech, la famille, ils ont bouché là. Et puis alichimba kisima wakafunika. Il a quitté, tous ces textes là vous le connaissez. Mnajua hii maandiko yote. La Genèse 26. Ndani ya kitabu cha Mwanzo 26. Puis Dieu vient le voir. Kisha sasa Mungu anakuja kumuona. Il lui dit. Anamwambia. Il est écrit, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit. Il m'a dit quand aussi que Mungu akamtokea na kumwambia. Je suis le Dieu d'Abraham. Mimi ni Mungu wa Abraham. Ton père. Baba yako. Ne crains point. Usiogope. Car je suis avec toi. Mana niko pamoja nawe. Je te bénirai. Nitakubariki. Je multiplierai ta postérité. Na nitazidisha uzao wako. À cause d'Abraham, mon serviteur. Sababu ya Abraham mtumishi wangu. Regardez l'introduction. Mtazame kiingilio. Je suis le Dieu d'Abraham, mimi ton père. Mungu wa Abrahamu baba yako. Autrement dit, kwa maneno mengine, si tu cherches des références au sujet de celui qui te parle maintenant là, kama unatafuta mfano kwa juu ya ule réfère-toi mtu sasa, à Abraham. Chukua mfano kwa Abrahamu. Autrement dit, kwa maneno mengine, si tu veux connaître qui est celui qui est en train d'interagir avec toi, kama unahitaji ujue nani ambaye yuko nazungumza na wewe, réfère-toi à ceux qui l'ont connu, wende katazame wale waliomjua, à ceux qui ont une histoire avec moi, wale ambao wanakuwa na historia pamoja nami. Chaque fois que Dieu parle, kila mara Mungu anapozungumza, il dit je suis le Dieu d'Abraham, anasema mimi ni Mungu wa Abraham, d'Isaac, Mungu wa Isaac, de Jacob, Mungu wa Yakobo. Pourquoi tu dis ça? Sababu gani unasema hivi? Il sous-attend, anakuwa kizungumzia, dans les générations suivantes, ya kwamba ndani ya vizazi vitakavyo. Si vous voulez savoir qui parle avec vous, cinquième génération maintenant, référez-vous à ceux qui ont une histoire avec moi. Mutazame wale ambao wanakuwa na historia pamoja nami. Abraham a une histoire avec moi. Abraham anakuwa na historia pamoja nami. Isaac a une histoire avec moi. Isaac ana historia pamoja nami. Jacob a une histoire avec moi. Jacob ana historia pamoja nami. Maintenant je vais travailler avec toi. Na sasa natafuta kutumika na wewe. Certainement tu vas pas comprendre ce qui se passe. Hakika utaelewa nini ambayo iko napitikana. Alors pour que ta foi, sasa ili imani yako, ton obéissance, utivu wako, soit soutenu, iwe na nguvu, référence. Tazama mfano. Dans Hébreux chapitre 12 verset 1. Ndani ya kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 1. Il est écrit. Imeandikwa. Puisque nous sommes entourés d'un si grand nombre d'une nuée de témoins. Inasema kwamba sababu tunazungukwa na wingu kubwa ya mashuhuda. Courons avec persévérance. Tukimbie pamoja na uvumilivu. Dans la carrière qui nous est ouverte. Ndani ya kazi ambayo tumetayarishiwa. Ça c'est dans le Nouveau Testament. Hii ni ndani ya Agano Jipya. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Tunazungukwa na wingu. Qui sont ces témoins? Wale washahidi ni wanani? Ceux qui viennent d'être cités au chapitre 11. Wale ambao wametoka kutajwa kwenye sura ya 11. Les hommes de foi. Wale watu wenye imani. Pourquoi ils ont eu la foi? Sababu gani walikuwa na imani? Ils ont connu Dieu. Walimjua Mungu. Alors vous aussi. Sasa nanyi pia. Vous avez besoin d'entrer dans votre établissement. Unahitaji mwingie ndani ya kushimikwa kwenu. Et courir dans votre établissement. Référez-vous à ceux qui ont une histoire avec moi. Quand Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham qui vous a fait sortir d'Égypte. Dieu est en train de mettre l'accent sur le témoignage. Mungu iko na kazi ya ushuhuda. En fait, Dieu témoigne de lui. Mungu iko na jishuhudia. Et dit, vous voulez me connaître. Anasema munahitaji mnijue. Vous voulez croire qui je suis. Munahitaji muamini mimi ni nani. Vous voulez avoir la capacité de faire ce que je vais vous demander. Munahitaji muone uwezo wa kufanya ile ambayo nitakuomba. Voici mon identité. Tazama utambulisho wangu. Je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Mimi ni Mungu ambaye niliwaondoa Misri kwa mkono wenye nguvu. Afin que le peuple lorsqu'il se souvient. Watu wanapokumbuka. En effet. Ya kwamba hakika. Nos aïeux sont sortis d'Égypte. Mababu zetu walitoka Misri. Il y a eu les plaies. Kulikuwa mapigo. Il y a eu les premiers nés morts. Kulikuwa wazaliwa kwanza waliokufa. Ils ont traversé la mer rouge à sec. Walipita bahari nyekundu. Un Dieu comme ça on peut lui faire confiance. Na. OK, c'est toi qui me parles, il dit oui, c'est moi. Wewe ndio unayenizungumzia ndio. OK, je te crois alors. Sasa ninakuamini. Tu veux que je fasse quoi? Unahitaji nifanye nini? Il dit avance. Anasema endelea. OK, j'avance. Hakika naendelea. Pourquoi tu avances? Sababu gani unaendelea? Ton établissement kushimikwa kwako est maintenant soutenu. Sasa inakuwa na kinacho kisapoti. Par la connaissance kupitia de Dieu. Ujuzi wa Mungu. Le temps nous trahit. Wakati nenda. Levons-nous, on va prier, on va continuer demain. Tusimame, tutaomba, tutaendelea kesho. Alléluia. Amen. Nous voulons prendre quelques minutes pour prier. Tunatafuta kuchukua dakika fulani kwa ajili ya kuomba. N'oubliez pas, chaque matin nous sommes là pour prier. Msisahau kila asubuhi tuko hapa kwa ajili ya kuomba. De 6h kuanzia saa 12 à 7h15. Hadi saa 1 na dakika 15. Mais j'aimerais que tu te lèves. Na ningependa usimame. Nous voulons faire deux prières. Tunatafuta kufanya maombi mbili. La première prière. Ombi la kwanza. Nous allons prier pour nous-mêmes. Tutajiombea sisi wenyewe. Dans Luc 24, 45, il est écrit leur ouvrit les yeux afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous allons prier comme ceci. Dites avec moi. Seigneur, ouvre mon esprit pour que je te connaisse. Ouvre mes yeux afin que je te connaisse. Par les Écritures, par le témoignage, par la mise en pratique de ta parole, ouvre mon esprit. Commence à prier, demande ça. Ouvre mon esprit, Seigneur. Quelqu'un prie de tout son cœur. Prie de tout ton cœur. Dis, Seigneur, ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Seigneur, ouvre mon esprit. Je veux te connaître. Je veux te connaître par les Écritures. Je veux te connaître par les Écritures. Mon Dieu, j'ai navigué dans l'incrédulité. J'avais des difficultés à accéder à ce que tu es. Accéder à ton image réelle. Accéder à ton identité. Pardonne-moi, Seigneur. Mais ce soir, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mon esprit. Afin que je comprenne ta parole. Afin que je te comprenne. Afin que je te connaisse. Quelqu'un prie le Seigneur. Demande à Dieu de dégager tes yeux. Que toutes ténèbres sortent. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre mes yeux. Nous prions sur base de la parole. Seigneur, ce jour-là, tu avais ouvert les yeux des apôtres. Ce soir, c'est notre tour. Ce soir, c'est mon tour, Seigneur. Comme tu as ouvert les yeux des apôtres, moi aussi, Yahweh, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Afin que je comprenne les Écritures. Afin que je te connaisse. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, ô Dieu. Révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à mon frère, Seigneur. Dégage son esprit de tous les brouillards. Dégage son esprit de toutes les ténèbres. Dégage nos cœurs, ô Dieu. Quelqu'un veut dire, Seigneur, dégage mon esprit. Dégage mon cœur. Il y a plein de ténèbres. Il y a plein de ténèbres dans ton esprit. Dégage mon esprit. C'est pourquoi tu n'avances pas. Tu ne connais pas Dieu. Tu commets des péchés. Tu ne connais pas Dieu. Tu es roulé par Satan. Parce que tu ne connais pas Dieu. Quelqu'un réclame cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous prenons la deuxième requête. La Bible dit, dans dans Philippiens 4, 6. Ndania wa Philippi, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes. C'est le temps des supplications personnelles. Ni wakati ya kuomba. Chacun va faire connaître à Dieu ses demandes. Na kila mtu atamjulisha Mungu hitaji zake. Tu vas dire, Seigneur, utasema Bwana, de même que tu nous as instruits jinsi ulivyo tuarifu, par Paul kupitia Paulo, de ne pas nous inquiéter ya kwamba tusisumbuke na lolote, mais qu'en toute chose ya kwa, lakini nous puissions te faire connaître nos demandes. Tukujulishe maombi ce yetu. Soir jioni ya leo, je te fais connaître mes demandes. Na kujulisha maombi ce yabu. Soir me voici jioni ya leo, mimi devant hapa, ton trône mbele ya kiti chako cha enzi. Voici mes demandes. Tazama maombi yangu. Commence à prier. Prie sur la base de la parole. Omba kufuatana na maandiko. Tu ne viens pas par toi-même. Haukuja wewe mwenyewe. Tu as une référence. Unakuwa na mfano. Il te dit et t'instruit. Na anakuambia na kuarifu. De lui faire connaître tes demandes. Ili uweze kumjua. Alors vas-y. Fais lui connaître tes demandes. Ingia ndani ya maombi na umjulishe hitaji zako. Il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Seigneur, écoute mon frère. Il te fait connaître ses demandes. Écoute-les, Seigneur. Écoute-nous, ô Dieu. Écoute-nous, Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Quelqu'un exprime à Dieu ses demandes. Kuna mtu ambaye anajulisha Mungu hitaji zake. Nous voulons prier ensemble. Tunatafuta kuomba pamoja. Nous voulons prier pour les bien-aimés. Tunatafuta kuombea wapendwa. Qui ont un problème de santé grave. Ambao wanakuwa na shida ya afya. Tu penses que le problème de santé que tu as est un problème grave. Avance ici na unawaza kama shida ya afya ambao unakuwa nayo. Nous allons faire des prières à l'unisson. La Bible dit. Tunatafuta kufanya maombi pamoja. Biblia inasema. La Bible dit. Biblia iko nasema. Si deux ou trois s'accordent sur la terre. Kama watu wawili ama tatu wanakubaliana na duniani ili waombe kitu kwa jina. Assurément cela leur sera accordé. Hakika ile itawapewa. Il y a un problème de santé qui a persisté. Il est possible que le médecin te dise aussi qu'il n'y a pas de solution. Ou même toi-même, tu as compris que ça là, ça va m'emporter. Avance ici devant. L'église va prier pour toi. Venez rapidement. J'ai parlé de problèmes graves. Si ton problème est simple, tu peux rester à ta place.